un Clio pété. Ça sent l'été, dans sa tête ça va pas, elle fait sa folle, ne du tété. Tu la sors du quartier, elle fait la belle, t'as envie de la fouetter. Ils peuvent la critiquer, elle veut jamais s'arrêter. Elle pense à faire ses sous, elle veut le golf GT. Elle a bu un verre de trop, elle savait plus qui j'étais. Prends la rue à contre-sens, ça pense à s'arrêter. Tu veux la charger en thème, te monte sur la selle du thème. Elle t'a dit que t'es trop jeune, donc tu l'insultes à rum rum. Tu penses à elle, tu gères, bonne, tu niques la santé. Demande à Napilou, elle nous a cru déjantés. Je lui ai tout dit, des potes qui font danser la matonne. Elle va au plaid de tel Sheraton. Ton poteau tu penses à trouver la bonne. Nous on pense à faire choper la matonne. Te quiero ma bonita. Monte à bord du bolita. Ouais, carnalita. Te quiero ma bonita. Monte à bord du bolita. Ouais, carnalita. Deux tels, trois tels. Au charbon et t'appelles. Pourquoi il fait le gros, lui il marche avec son appel. T'aimes pas ses copines et pas son truc, elle fait la belle. Elle a mis tout dans la vitelle. Côté passager, elle te fait des kiss-kiss. Elle se respecte, veut pas tu la casse-casse. Tu la voyais, tu te fais le couscous. Des mecs comme toi, elle en a vu sans passe-passe. Avec sa pote, elle veut bronzer au soleil. Pendant que tu lèves un Yamaha au soleil. Tu l'emboutanes, tu le promets le soleil. Un jour ou l'autre, tu viendras dans ses oreilles. Dis mon poteau, mais pourquoi tu gamberges? C'est parce qu'elle veut, elle sait pas ce qu'elle recherche. Elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle cherche. Un bâtard, un vaillant, elle sait pas ce qu'elle recherche. Dis mon poteau, mais pourquoi tu gamberges? C'est parce qu'elle veut, elle sait pas ce qu'elle recherche. Elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle cherche. Un bâtard, un vaillant, elle sait pas ce qu'elle recherche. Te quiero ma bonita. Monte à bord du bolita. Ouais.